les cons sont les très proches parents des caves. Si ce n'est que les caves ont la tête un peu plus concave. Les cons sont peut-être un peu plus cons que les caves. Oui, mais les caves seront toujours beaucoup plus caves que les cons. Les cons sont quelquefois intelligents, mais ça ne les empêche pas pourtant de faire les caves de temps en temps. Les caves, y'a rien à faire avec eux autres, lui ils sont cons, moi c'est de le fond. Allez donc blâmer leurs enfants. Oh. Les cons de la confiture de cave. D'ailleurs, les caves sont aussi cons que les cons sont caves. Les cons sont convaincus qu'ils sont pas caves. Pourtant, les cons sont sûrement pas moins caves que les caves. Ils sont cons. Les cons quelquefois intelligents, mais ça ne les empêche pas pourtant de faire les caves de temps en temps. Les caves, y'a rien à faire avec eux autres, plus ils sont cons, moins c'est de le faux. Allez donc blâmez-leur, mon gars. Oh. Ça se perpétue, ça, de père en fils. 72% de la province, comme ça. Montréal, c'est un peu plus brillant, mais quand on se promène un peu, c'est pas un esti de cadeau. C'est un jeune mongol, là, qui court la nuit à la recherche de sensations fortes dans les discothèques, là, en crevant leurs boutons, là. Bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Là, nous sommes à Paris, dans le 18e. Dans le 18e arrondissement, mais oui. C'est le tien, c'est ton arrondissement, c'est ton repère. Ah bah c'est toujours dans cet arrondissement-là que j'ai vécu, dans le 9e à Pigalle et dans le 18e à Montmartre. Là, on n'est plus sur Montmartre, on est déjà à la porte de Clignancourt. Entre Jules Geoffrin et la porte de Clignancourt, c'est là que j'habite maintenant depuis 4 ans. Alors tu es née à Paris, tu as vécu à Paris. J'ai vécu à Paris toute ma vie. Pour tout te dire, j'allais dans la même école primaire que ma grand-mère. Ah oui? Donc je suis vraiment une vraie parisienne, une gosse du quartier. Et dans quel arrondissement? Enfin, une môme du quartier, parce que chez vous, gosse, ça veut dire votre chose. Non, ouais, mais non, on dit gosse aussi, mais il y a plusieurs sens, effectivement. Mais sinon, vraiment, t'as grandi avec la ville de Paris. Ah oui, oui, tout à fait. Oh, quel changement, mon Dieu, ouais. Pour le mieux? Non. Honnêtement, non. Pas pour le mieux à mon goût. Paris devient une ville de plus en plus riche. Et riche dans quel sens? Bah, riche dans le sens qu'il y a de plus en plus de riches qui y habitent. Et les gens, ce qui faisait le Paris populaire, sont de plus en plus envoyés en banlieue parce qu'ils n'ont plus les moyens de vivre à Paris. Pour te donner une idée, dans ma rue, quand j'étais petite, il y avait que des boucheries, des maraîchers, des poissonniers, il y avait même une triperie, il y avait une boucherie, je me souviens, j'habitais rue des Martyrs, et la boucherie s'appelait à la bonne viande des Martyrs. Oh oui, oui, c'est vraiment incitatif. Voilà, et aujourd'hui, quasiment tout a été remplacé par des coiffeurs, des marchands de fringues, ouais, des assurances, des banques, et voilà, bon, c'est un petit peu, c'est un peu Paris aujourd'hui. La rue des Abbesses, c'est pareil, avant c'était très commerçant, aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes commerces, des fringues, des chaussures, des coiffeurs, des fringues, des chaussures, des coiffeurs. C'est dommage. Effectivement. La limonade. C'est l'homme. Merci bien. Et c'est dommage parce qu'on perd le côté populaire que Paris a toujours eu. Paris a une immense culture populaire, vraiment, qui se trouve dans les vieux films d'ailleurs, mais qui est vraiment très... Jean Gabin. Par exemple, Jean Gabin, Arletty. Ça, c'est le Paris que tu aurais aimé... connaître, que j'ai pas connu évidemment, mais que j'aurais aimé connaître. Et c'est vrai que c'est de moins en moins ça. Maintenant, j'adore Paris, c'est ma ville. Et de toute manière, à chaque fois que j'ai essayé de la quitter, je suis revenue la tête basse en disant « Paris, je t'aime !» Tu es aimantée par Paris. Éventuellement, par Paris, non. Par Montmartre, oui. Par Paris, en soi, j'adore Paris, mais pour le coup, je suis vraiment plus qu'attachée à Montmartre. C'est vraiment Montmartre. Est-ce que tu vas faire un hymne à Montmartre, un peu comme Claude Nougaro sur Toulouse? Oh, ben, j'aimerais bien. J'ai déjà fait une chanson sur Paris qui s'appelle Paris au mois d'août. Oui. Et sur mais c'était pas vraiment ton quartier. Ton quartier, c'est Montmartre. Ah, ben, c'est un peu tous mes quartiers. Hein. Je veux dire, dans Paris au mois d'août, je parle de Paris. Et puis, évidemment, je parle des quartiers que j'aime, même si je ne les cite pas forcément. Si, je cite le canal Saint-Martin. J'aime beaucoup le canal Saint-Martin. On va rester à Paris. Jeune, avais-tu une vision de... avais-tu le goût de devenir chanteuse? Avais-tu cette flamme-là d'être chanteuse, ou au contraire, ça s'est fait au fur et à mesure, ou c'est arrivé comme ça tout bonnement? C'est arrivé comme ça tout bonnement. Maintenant, jeune, j'ai voulu faire tous les métiers du monde, écuyère, médecin, infirmière, pompier, princesse, comédienne. Non, mais princesse, c'est un beau métier. C'est beau métier, princesse. Est-ce que c'est payant être princesse? Je crois que c'est très payant, mais je pense qu'on le devient pas comme ça. Parce, toujours est-il que moi, je n'y suis pas parvenue, j'ai fait mon deuil. J'ai fait mon deuil de ce métier-là. Ça demande une hiérarchie. Que j'aurais du mal, quoi qu'il en soit, à supporter. Il aurait fallu que tu trouves un prince. J'ai trouvé mon prince. Ah oui, je l'ai trouvé. Hélas. Mais sans monarchie. Voilà, il n'a pas de monarchie. Il a un royaume de sensibilité et d'amour et de cœur. Mais enfin bon, c'est pas ça qui te paye l'entrecôte. Non, mais est-ce que c'est ton premier fan? Oh, je sais pas, oui, il adore ce que je fais. Maintenant, je pense que, avant de me voir comme une chanteuse, il me voit surtout comme une personne. Donc, je pense pas que ce soit mon premier fan. Mais est-ce qu'il t'a connu grâce à la chanson? Oui. Ok. Il t'a vu sur scène? Oui, il m'a vu sur scène bien avant qu'on soit ensemble. Mais je pense pas aujourd'hui que ce soit mon premier fan. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus à même de recevoir une de mes chansons en plein cœur. Lui, il sait tellement comment je l'ai écrite. Il connaît l'histoire de la chanson. Il connaît toujours l'histoire de la chanson. Donc, quand il l'écoute, la chanson n'est jamais vierge. Tout à fait. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et pour revenir à tes débuts, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit « Je veux devenir chanteuse, je veux faire de la chanson, je veux en vivre, je veux essayer d'en vivre, je veux faire un créneau dans la musique. » En fait, je suis tombée dans la chanson par hasard et par amour. Ok. C'est vraiment toujours ça. L'amour. Hein? Toujours l'amour. Okay. C'était pas le même prince. Hein, non, mais oh, ok. C'est une autre histoire. Je suis tombée amoureuse d'un accordéoniste. Coup de foudre dans un bar. Ici à Paris? À Paris, à la Butte aux Cailles, de l'autre côté. Oui. Vraiment en plein sud de Paris, Montmartre étant au nord de Paris. Et j'ai eu le coup de foudre. Et le soir même, on s'est mis... Moi, j'aimais bien la chanson. Enfin, j'écoutais beaucoup de chansons. J'écoutais pas que ça. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'écoute pas que ça. Et tu écoutes quoi? J'écoute un peu tout. J'ai un faible... pour la chanson à texte, ça, c'est certain. Brel, Brassens, Gainsbourg. Voilà, Brel, Brassens, Gainsbourg, Boris Vian, Léo Ferré, Nougaro, Bobby Lapointe, Anne Sylvestre, Barbara. Agnès B. Je m'écoute pas pour le coup. Non, d'accord. J'écoute en boucle mes disques quand je suis en train de les faire pour voir justement ce qui manque, ce qu'il y a en trop et tout. Puis une fois qu'ils sont sortis, je les écoute pas. Tu arrêtes. Ouais. Tu ne réécoutes plus D'ailleurs, c'est marrant parce que l'autre jour, j'étais dans un restaurant à Lyon et tout d'un coup, on entend mon disque dans le restaurant et j'ai mis plusieurs secondes avant de réaliser que c'était moi. Je me dis, tiens, ça me dit quelque chose. Mais comment tu trouvais Et je trouvais ça très bien. Okay. Je trouvais ça pas mal. Ça m'est arrivé aussi à Montréal. chez Baptiste, le bistrot chez Baptiste. Ouais. Donc c'était cet hiver, j'étais avec une copine et je prenais l'apéro chez Baptiste, rue Mont-Royal donc. Tout d'un coup j'entends une voix, je me dis mais c'est qui? Mais c'est moi, c'était Paris au mois d'août. Ah oui, qui passait dans le bistrot. Alors je suis allée voir le serveur en disant c'est la radio, c'est quoi? Il fait non, c'est mon iPod et tout. Oh bah merci, c'est gentil de me passer. Du coup il m'a offert un verre. Mais c'est une très belle façon de se faire offrir un verre. C'est chouette, hein? Oui, c'est bien. C'est chouette. Et ouais, c'est ça, pour revenir à... Donc je suis tombée par à la chanson par hasard et par amour. J'ai eu le coup de foudre pour un accordéoniste. Le soir même, on s'est mis à chanter des chansons parce qu'il avait un accordéon. Dans la rue et tout. À la Edith Piaf. Un peu à la Piaf. Ouais, tout à fait, exactement. Et puis on s'est mis après à chanter beaucoup dans la rue, pas mal dans les bars, dans le métro parisien, dans le métro. Ouais, aussi. Ah, t'as commencé ta carrière dans le métro. Ouais. C'est une belle école. Je faisais ça. Bah, c'est une école assez difficile. Ouais, c'est dingue. Pour choper les gens, c'est beaucoup d'ingratitude dans un métro. Mais c'est là que tu te formes, c'est là que tu te crées. Exactement. Mais à l'époque, je chantais des chansons de Brassens, je chantais Le Petit Bonheur de Félix Leclerc. Ah oui. En fait, des classiques que les gens veulent entendre. Je chantais des classiques. Plus ou moins connu, parce que dans les chansons de Brassens, je chantais pas forcément les tubes. Okay. Je me souviens, je chantais Le Mouton de Panurge. Qui n'est pas très connu. Brassens, je chantais aussi Saturne, qui n'est pas connu du tout. Ben, au Québec plus. C'est vrai? Oui, on adore. Il y a beaucoup de chanteuses qui reprennent Saturne. On a fait un hommage à Brassens et Saturne a été repris. Oui, c'est vraiment une chanson qui est sublime. Elle est magnifique, elle est superbe. Et d'ailleurs, c'est marrant, là, il vient de sortir un livre, Cherche Midi, éditeur. Justement, des brouillons de Brassens. Et jamais publié, des chansons jamais faites, jamais. Exactement, il y a les inédits et tout. Et en fait, on voit le premier jet de Saturne qui n'a rien à voir avec ce qu'il en a fait finalement. Il n'y a que trois vers qu'il a gardés. Quand on s'intéresse à Brassens, c'est passionnant. Oh oui. Mais je chantais donc des chansons du répertoire et puis je gagnais ma vie en étant serveuse dans les bars par ailleurs, en alignant. Oui, j'ai été serveuse pendant 7 ans dans un café. As-tu fini ton bac ou si au contraire tu t'es abandonnée à la chanson? Non, j'ai eu le bac avec mention. Ok. Et j'étais une très bonne élève et j'ai que ça. Après, j'ai tout arrêté. Après ton bac? Après mon bac, j'ai tout arrêté. Mais tes parents voulaient au moins que tu finisses ton bac? Non, mes parents, quand j'ai commencé la chanson, j'ai arrêté en même temps de faire le bonheur de ma mère. Mes parents étaient désespérés que j'arrête les études. C'est très insécurisant, chanteuse surtout. Là, un milieu artistique est très insécurisant pour mes parents. Bien sûr. On voulait que tu sois médecin, vétérinaire, princesse, mais pas... Plutôt professeur de lettres, de littérature. Ah oui, toi, tu étais branchée par l'écriture. Moi, j'ai toujours été une immense lectrice. Et je lis énormément. Tes auteurs préférés? Dans les cités, les bidonvilles, le pape bénit la pauvreté. Ça passe le temps, ça tient tranquille, ceux qui n'ont plus rien à becter. Et puis le très Saint-Père a dit, faut faire des gosses, même ce repos. Ils iront vite au paradis, de toute façon ici, il n'y a pas de boulot. Oh dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. Partout on crève, mais c'est une chance, et puis faut bien se faire une raison. Au moins ça limite les naissances, sans cette damnée contraception. Bien sûr les viols font une moyenne, faut se résigner, surtout rien dire. Que naissent les gosses de la haine, pourvu qu'ils soient faits sans plaisir. Oh dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. On parle de vice et de péché, et on excise des gamines, pourvu qu'il y ait frigidité. On peut pas dire que ce soit un crime, faut pas croire que ce soit de l'esclavage, puisqu'elles ont le droit de prier Dieu. Dans les liens sacrés du mariage, si ça fait mal, qu'elles ferment les yeux. Dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. Faire des mômes, c'est pas un loisir, faut que les mères pondent sans conviction. Mais si elles peuvent pas les nourrir, c'est plus prévu par la religion. De toute façon, elles n'ont qu'à se laisser faire et se soumettre au testament. Se montrer digne de leurs ovaires et se laisser engrosser sagement. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. Ceux qui ont de la moralité montent des gangs, des commandos. pour faire naître ceux qu'ils vont taxer. Plus tard d'être des enfants de salauds, les bien-pensants, les bonnes chrétiennes vont s'occuper de ces petites garces. Le temps qu'éclosent leurs mauvaises graines, qu'on oublie après à la das. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge l'avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Ils se protègent sous leur tonsure et revendiquent leur petite calotte. Sans doute pour eux que c'est plus sûr que nous laisser mettre des capotes. Pas la peine d'avoir son certif pour nous faire docilement gober. Satan et ses repositifs, comme tous ceux qui l'ont bien cherché. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Le seul virus qui soit bien vu, c'est l'église, c'est la religion. Fais gaffe à toi si tu l'as plus, on te pardonne mal ta guérison. Ces malades-là sont sanctifiés, au ciel y a plus de phase terminale. Et martyr, c'est bien mieux payé que de travailler seul à l'hôpital. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Hey. Dis monsieur, je te crois pas, t'oublies qu'aujourd'hui c'est dimanche. Jamais la Vierge n'avortera, on la fête sainte, pas faiseuse d'ange. Est-ce que la famille... Il est bonheur moins le quart ce matin sur BFM. Le ciel est mieux, la terre est blonde, alors larguez les amours, il faut de tout pour faire l'immonde. Des auteurs préférés. J'aime beaucoup, énormément René Fallet, oui. Romain Gary, Marcel Aimé. J'adore ces trois auteurs-là. Après, j'aime énormément, pour rester dans les classiques, j'aime énormément Dickens, j'aime énormément Balzac, j'adore Dostoïevski, j'adore Kafka. Et dans les auteurs plus modernes, je suis une grande amatrice de romans policiers. Il y a vraiment des choses extraordinaires qui se passent en littérature policière. Et là récemment, je viens de lire 4 livres qui m'ont vraiment beaucoup marqué, même 5 on peut dire. Les cerfs-volants de Kaboul, oui. Et 1000 soleils splendides, le deuxième de Khaled Hosseini, qui m'a bouleversé, mais absolument bouleversé. Je viens de lire L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, qui est un auteur catalan et qui m'a plus que plu aussi. Je l'ai offert plein de fois. Je viens de lire Enitch a pleuré d'Irvin Yalom, que j'ai beaucoup aimé. Et là, hier soir, j'ai fini un livre qui a un titre très rigolo. Ça s'appelle Le cercle littéraire des amateurs d'éplucheurs de patates. Oh oui, oui, ok. Et c'est vachement bien. Ah oui, c'est super bien, c'est ravissant. C'est un polar toujours? Non, c'est pas du tout un polar. Ah non, les 4 que j'ai cités ne sont pas des polars. Okay. Non, c'est pas. Aucun des 4 que je viens de citer ne sont des polars. Et c'est ravissant, c'est un roman épistolaire, c'est assez rare. Moi, de roman épistolaire, j'avais lu Manon Lescaut et puis Les Liaisons Dangereuses. Oui, le classique. Mais c'est rare aujourd'hui qu'on fasse des romans épistolaires. Là, le cercle littéraire des amateurs d'éplucheurs des patates. Et c'est quand même assez punchy comme titre. Est un roman épistolaire. Et que tu conseilles à tout le monde. Ah oui, c'est vraiment ravissant. Il y a un charme désuet. Ça se passe à Guernesey, donc une île anglo-saxonne, juste après la guerre. Et c'est donc il y a un charme anglais comme ça, un petit peu désuet, et avec de l'humour anglais. Je suis très sensible à l'humour anglais, j'aime beaucoup ça. C'est amusant, c'est un livre qu'on lit avec le sourire du début à la fin. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Alors ça te remet sur le sourire au bec. Ça te redonne le sourire. Oh ben, j'avais pas perdu le sourire. Non, mais à un moment donné, quand t'es peut-être lassé ou je sais pas, sur des problèmes, c'est un livre qui te redonne goût à... Ah, c'est vraiment un livre que je conseille de lire en été parce que ça va bien avec le soleil. Ouais. Mm-hmm. Et c'est ça. Alors donc, tranquillement, tu as fait ton bac, tu as dit à tes parents, je veux devenir chanteuse. Voilà. Dépression au niveau de tes parents. Voilà. Non, pas... J'ai pas dit tout de suite que je voulais devenir chanteuse parce que comme je chantais des reprises, c'était pas tout à fait ça. Okay. Quelques temps plus tard, j'ai découvert Alain Leprest. Oui, le grand Alain Leprest, mais qui malheureusement est totalement inconnu du grand public. Faut bien le reconnaître. Mais à Paris aussi. Oui. Alain a un public à lui, oui. Mais je veux dire, on n'entend jamais sur les ondes, on demande là... France Inter. Jamais. Ben, je le soir, sous les... Sous les étoiles, exactement. Mais à 1h du matin, il n'y a que Serge Levaillant qui le passe à 1h du matin. Ah, ouais, ouais. On ne peut pas dire que ce soit la même chose en playlist sur France Inter, certain, 40 fois par jour, à toute heure. C'est vrai. C'est une excellente émission, Sous les étoiles, exactement, mais c'est vraiment les amoureux de la chanson qui l'écoutent, et les amoureux de la chanson connaissent évidemment Alain Leprest. Mais je te mets au défi, là, la terrasse est pleine dans le bistrot où on est installé, on demande qui est Alain Leprest, il n'y a pas une seule personne qui peut te dire qui c'est. Incroyable. Alors toi, c'est lui qui t'a... Et moi, je ne le connaissais pas non plus jusqu'à ce que je le vois sur scène. Et ce jour-là, j'ai eu une claque incroyable. À quelle année ? C'était en 95. Et j'ai eu 96 et j'ai eu une plaque vraiment incroyable. J'ai vu un auteur immense, un poète fabuleux qui a une présence de scène en plus inouïe. Très brillant, très brillant. Et j'ai pris une telle décharge électrique. Ça a changé ma vie en fait, tout simplement. Le soir même, j'ai écrit ma première chanson et j'ai décidé que je ferais ce métier-là. Est-ce qu'il le sait ? Oui, il le sait, mais il l'a appris, c'est marrant, j'avais jamais osé lui dire. Je l'avais dit un jour à un journaliste et en lisant dans la presse ça, c'est comme ça qu'il l'a appris. Il m'a appelé en me disant c'est vrai ce que tu racontes au journaliste ? Je lui ai dit oui, c'est vrai. Et il était super ému, il était mignon. Depuis, j'ai quitté l'accordéoniste, mais j'ai jamais quitté la chanson. Alors, tu as encore Alain Leprest collé sur le cœur. Ah, c'est immense. Et d'ailleurs, quand il a fait appel à moi pour son disque du côté de chez Leprest, j'étais tellement En fait, c'est contente. Des reprises, hein, des duos, exactement. Il y a un duo, du côté de chez Leprest, volume 1, en tout cas, celui dans lequel je suis. Il y a un duo d'Alain Leprest avec Fantine, sa fille. Et sinon, il a fait appel à plein de gens, Olivia Ruiz, La Rue qui est à nous, Loïc Lantoine, Michel Fugain. Pour remettre au goût du jour. Voilà, Yves Jamais, pour remettre. Pour tout simplement rendre un hommage à Alain, quoi. Il nous a tellement tous totalement marqués, bouleversés avec ses chansons. Mais c'était vraiment. C'est un disque où l'auteur ou la chanteuse s'accapare un texte de Leprest et le rend. Ah, alors donc, fait. C'est sa vision de Leprest. Ah oui, moi tout à fait. Moi j'avais choisi Le copain de mon père. Oui. Et je me suis vraiment approprié ce texte. Et d'ailleurs, quand on est chanteuse, c'est là où on se rend compte que c'est vraiment écrit parfaitement. Parce qu'en bouche, avoir en bouche les mots de Leprest, c'est un bonheur. C'est comme avoir en bouche un très bon vin. Ça se savoure, ça se déguste, ça se partage. C'est merveilleux de chanter du Leprest. Est-ce que sur scène, tu reprends cette chanson ? Sur scène, j'ai repris cette chanson quand on a fait le spectacle du côté de chez Leprest. Okay. Mais non, sur scène, je chante mes chansons. Uniquement tes chansons, mais c'est déjà beaucoup parce que tu as quand même... défendre ton œuvre, c'est vrai. Et tranquillement, avec Leprest, tu t'es dit, je veux devenir chanteuse, je veux faire carrière, j'ai peut-être un chemin nouveau à offrir au public, c'est ça? Est-ce que tu crois que tu as une écriture singulière, unique? Ça, c'est pas à moi de le dire. Si tu as voulu devenir chanteuse, c'était pour t'exprimer, pour... Je crois que c'est beaucoup plus simple que ça. Je me suis rendu compte que je ne savais pas tellement où j'allais. Je me suis rendu compte que j'allais peut-être dans le mur. Que je serais peut-être malheureuse en faisant ce métier. Mais je me suis surtout rendu compte que ce qui était sûr et certain, c'est que c'est si je le faisais pas que je serais malheureuse. Donc, je pense que, effectivement, je ne suis pas sûre d'être heureuse toujours et tous les jours en faisant ce métier. C'est un métier difficile quand même, surtout en pleine crise de disque. Ouais. C'est pas une période tellement gaie quand on fait de la musique. Non. Donc je ne suis pas sûre d'être heureuse en faisant ce métier, mais je suis sûre d'être malheureuse si je ne le fais pas. C'est beaucoup plus simple que ça. Maintenant, l'écriture, il y a pas mal de personnes qui disent que j'écris bien, que j'ai une très belle écriture, mais très honnêtement, Rénal, c'est pas à moi d'en juger. Et je ne suis pas capable de te parler de mon style. Moi, j'écris mes chansons. Maintenant, je ne vais pas écrire sur mes chansons. C'est précisément pour ça que je n'ai pas voulu faire des études de lettres. Okay. C'est parce que je n'avais pas envie de disséquer comme un médecin léger. artiste. J'avais pas envie de disséquer des œuvres. J'avais envie d'être plutôt comme un photographe qui prend au flash. C'est exactement comme un photographe qui photographiera une belle nana et le médecin légiste qui la disséquera après. Moi, je préfère la photographie. Ok, c'est ça. Ou un beau mec, tu vois. Je préfère photographier ça. C'est mon prisme à moi. Un coup d'œil sur le réel. Oui, ou sur l'imaginaire, ça dépend des chansons. Ouais, mais voilà, moi j'aime créer, mais je n'aime pas analyser les œuvres. J'aime les ressentir, j'aime qu'elles me fassent vibrer, qu'elles me fassent frémir, pleurer ou rire, mais les analyser, ça m'intéresse. C'est émotif pas. Avant tout et non pas didactique. Voilà. Est-ce que au fur et à mesure, tu es rendu à combien d'albums? 4, 5, 5? 4. 4. Est-ce que en mon nom. Oui, ok, parce que là, les autres. Bah, parce que j'ai participé à d'autres albums, mais 4 albums signés à Niesville, tout à fait. Ouais. Et au fur et à mesure, tu sens une progression, tu sens quelque chose qui. Bien sûr, il y a une évolution. Ben, moi, j'évolue, ma vie évolue, mon regard évolue et mon style musical évolue. C'est très particulier entre un premier album qui fait un peu grenier de grand-mère où tu mets tout ce que tu as emmagasiné depuis des années dans ta tête, dans ton cœur et dans tes ressentis. Alors tu mets tout un peu pêle-mêle et puis après tu écris des albums qui sont très resserrés dans le temps. On t'attend au détour, on dit un premier album, c'est tout ce que l'artiste a voilà. Digéré, et puis, mais c'est le deuxième qui consacre l'artiste. Voilà, et donc le style est devenu beaucoup plus... comme je travaille beaucoup l'écriture aussi, c'est de mieux en mieux écrit d'un point de vue strictement littéraire. Les hommes naissent libres et égaux en droit, mais ça dépend du lieu. Soit t'es ok, soit t'es KO, soit tu meurs bien, soit tu le vis mieux. C'est bien la raison du plus fort, encore et toujours la meilleure. C'est rien la raison du plus mort, ça donne raison au dictateur. C'est rien, c'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Des millions de gosses mangent de la viande juste quand ils se mordent la langue. C'est bien. C'est rien. C'est bien l'enfance de la détresse dans les pays de la guerre civile. C'est rien qu'une affaire de business si c'est des armes qu'on leur refile. C'est bien. Et on génocide au soleil à la faute à qui on savait pas. Vu que si les murs n'ont pas d'oreilles, l'Occident n'a qu'une caméra. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Et c'est en direct qu'on peut voir la suite de Nuit et Brouillard. C'est bien. C'est rien. C'est rien que les enfants du tiers-monde et si le progrès se fait la course. C'est bien, mais c'est pas pour tout le monde quand la mort est cotée en bourse. C'est bien. La médecine fait des pas de géant et le sida recule en bloc. Seulement les poules auront des dents avant que l'Afrique ait des médocs. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Ça régule les natalités. C'est plus de faim qu'ils vont crever. C'est bien. C'est rien. C'est bien les gamins de la guerre. Un pendu 10 de réprouvé. C'est rien que des gamins militaires. Tirera bien qui tirera le dernier. C'est bien. On fabrique des tueurs à la chaîne. Jouer aux petits soldats de 10 ans. Et puisque l'horreur est humaine, la guerre n'est plus qu'un jeu d'enfant. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. On laisse un gosse, on viole sa mère. On file des armes à son petit frère. C'est bien. C'est rien. C'est bien des mômes, c'est des forçats. Du fond des mines, c'est des bagnards. C'est rien que des mômes qu'on forcera à se prostituer pour 3 dollars. La saloperie se dépayse, pédophilie ou exotisme au moins. Ça rapporte des devises, sexuelles ou pas. C'est du tourisme. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. La vérité, c'est que c'est l'argent qui sort de la bouche des enfants. C'est bien. C'est rien. C'est rien que les enfants de l'inceste. C'est rien que les enfants du mépris. Y'a qu'à pleurer sur ce qu'il en reste. C'est plus que les enfants du gâchis. pourquoi faire. De l'enfant donne ce que je pas moi. C'est l'enfant de la colère. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Si je suis venue au monde de fou. Merci papa, merci pour tout. C'est bien. C'est rien. C'est bon. C'est non. C'est vrai que c'est de mieux en mieux écrit. C'est vrai que j'évolue aussi par rapport à ma vie, par rapport à aussi à mon parcours. Il y a des thèmes que j'ai déjà traités que tu vas peut-être reprendre. Retraiter, exactement. Il y en a d'autres. Bon, je trouve que j'ai fait le tour, donc je vais voir ailleurs. Enfin, il y a une grande évolution, tout ça. Et puis encore une fois, je grandis moi aussi, donc ma vision du monde s'affine. Je suis la maman d'une petite fille, donc ma projection, ne serait-ce que sur l'enfance. Avant, je parlais de l'enfance telle que je m'en souvenais. Aujourd'hui, si j'en parle, c'est telle que je la vois chez ma gosse, chez ma gamine. Elle vient d'avoir 7 ans. Ok. Mais est-ce que tu es le genre à faire de la projection sur tes enfants, sur ta fille en disant « Oh, moi j'étais comme ça, moi je... » Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Elle est comme elle est. Et de toute façon, on la reconnaît tout de suite, c'est la plus belle du monde. Ok, ben oui. Et elle est comme elle est. Et je cherche pas du tout de ressemblance ou de dissemblance. Dès qu'elle est née, de toute manière, je vais parler comme un adulte, comme un individu à part entière. Un petit être qu'il fallait que j'aide à grandir. Mais je vais parler comme quelqu'un qui était à part et qui était très différent de moi. Et même si on a des ressemblances, j'ai aussi des ressemblances avec des amis, des copains, des copines. Je me dis jamais, oh là là, qu'est-ce qu'on se ressemble ? Ou oh là là, on est différent. Avec ma fille, c'est pareil, c'est un individu à part entière. Et à travers l'écriture, est-ce que tu es le genre à faire une chanson en 15-20 minutes ou au contraire, ça demande des jours, des semaines ? Ça ne m'est jamais arrivé d'écrire une chanson en 15-20 minutes. Ok. Il m'est arrivé d'écrire des chansons en 2-3 heures. Elles ne sont pas nombreuses, celles que j'ai écrites en 2-3 heures. Il m'est surtout arrivé d'écrire des chansons en 2-3 mois, en 2-3 semaines, 2-3 mois. Et je vais même te dire, là, sur mon dernier album, sur Rêve Général, il y a une chanson pour laquelle j'ai envie de dire que je l'ai écrite en 10 ans et 2 heures. Ça fait 10 ans que je l'ai commencé, cette chanson. C'est la chanson qui s'intitule « Quand on voit ce qu'on voit ». Oui. Et ça fait 10 ans que j'ai... Il y a 10 ans, j'ai trouvé le refrain. Et depuis 10 ans, je travaille dessus et je jette toujours ce que je fais parce que je trouve que c'est pas bon ce que je fais. Et je jette. Et c'est tout d'un coup, il y a quelques mois, m'est venu l'angle. Je l'ai écrite en 2 heures. Mais ça faisait 10 ans que je la mûrissais. Il y a d'autres chansons comme La Petite Sirène ou Papa Dimanche que j'ai... Papa Dimanche, je l'ai réécrite 2 fois, mais La Petite Sirène, je l'ai réécrite 7 fois. Et j'étais pas contente. Et à chaque fois, La Petite Sirène, je la mettais en musique, je la faisais sur scène, et à chaque fois, je me disais, mais non, c'est pas ça. Et c'est très difficile d'avoir à réécrire une chanson. Et pour Papa Dimanche, c'était peut-être encore plus dur parce que j'avais écrit un premier G qui m'avait demandé d'ailleurs beaucoup de temps. Et c'était une chanson qui avait que des belles images. Vraiment, c'était très très bien écrit. Puis en regardant le résultat final, je m'étais dit, il y a beaucoup de beauté là-dedans, mais il n'y a pas d'émotion. Et il n'y a rien de plus difficile que d'avoir à jeter des bonnes phrases. Ah oui, oui. Je m'étais dit, non, il faut que je casse. Il y a des phrases qui paradoxalement étaient trop jolies pour laisser vivre l'émotion. Tu sais, c'est un peu comme une grande fleur qui prend tellement de place qu'à côté, toutes les petites fleurs autour ne peuvent pas pousser, elles n'ont pas assez de soleil. Ouais. Et bien l'émotion, c'est un peu pareil. L'émotion, c'est un peu le coquelicot ou la prime verte qui a dessous la grande rose. Et il faut réussir à allier les deux. C'est-à-dire d'un côté, la beauté, l'immense pure de cette rose magnifique, mais il ne faut pas zapper non plus toutes les petites herbes qu'il y a autour, parce que c'est souvent ça qui fait le côté charmant. C'est peut-être qui la rend belle, fait... c'est ce qui est à côté aussi qui la rend. Voilà, et c'est ça qui fait frémir, je trouve, en tout cas à mon avis. C'est sans doute un des trucs les plus difficiles que j'ai eu à faire à l'écriture, c'est justement jeter mes belles phrases pour, en me disant, bon maintenant... N'essaie plus d'écrire avec des mots, essaye d'écrire avec des sentiments. Avec ton cœur. Avec du cœur. Ouais, ouais. Et je suis ravie du résultat. Oui, mais effectivement, ça fait un album humaniste. Hein. C'est vraiment des y a une chanson qu'on s'approprie. On se sent concerné par au moins une chanson. On se dit, bon, elle m'a connu, elle m'a écrit. Et ça m'interpelle. Ah ben merci, ça me fait plaisir. Non, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Oh, ouais, l'accent québécois. Mais c'est... et puis, en plus, c'est ça. Tu fais de la musique en français et les Québécois, les Suisses, les Belges écoutent et se sentent aussi concernés. Comment tu... Je pense que l'émotion est totalement... Il n'y a pas de langue. Il n'y a pas de langue. Et il n'y a pas de culture ou de nation, ou de nationalité différente à l'émotion. Moi, il se trouve que j'écris en français et que je travaille beaucoup mes textes, donc c'est très écrit. Donc il vaut mieux comprendre ce que je raconte. Oui. Mais je pense que quand on parle... je pense que quand on parle d'amour ou quand on parle de colère parce qu'on est indigné, parce qu'il y a 10% de la planète qui vivent avec 90% des richesses, je pense que quand on est indigné parce qu'il y a un clochard qui habite en dessous de chez vous et quand il fait froid, il meurt en bas de chez vous, je pense que quand on est ému par un enfant qui grandit, je pense que quand on a un ami très cher avec qui on refait le monde, je pense que quand on a envie de rigoler et il n'y a pas de nation différente, il n'y a pas de frontières, ça passe les frontières. Et puis après l'émotion en elle-même, là je vais aller jouer au Pérou en Équateur devant des gens qui ne comprennent pas forcément ce que j'ai écrit. Les gens t'écoutent là-bas tu... Ben écoute apparemment puisque j'y vais. Il y a une demande. Oui, il y a une demande. Pourquoi? Est-ce que c'est la langue française? Est-ce que c'est ta voix? Est-ce que c'est l'ensemble de tout ça? Écoute, je pourrais répondre à cette question après, quand j'en reviendrai. Ben oui, alors je reviendrai. Pour l'instant, je... Mais je, toi, je comment t'as pris ça quand on t'a dit que t'allais au Pérou? Moi, j'étais ravie. Je suis super ravie. Mais est-ce que tu t'es questionné? Non. Je l'ai pris comme ça venait. Ça m'a fait rire et puis voilà. Et là, c'est combien de spectacles là-bas? Je fais 6 spectacles au Pérou et 4 spectacles en Équateur. En Équateur? En tout cas, j'espère que ce sera moins lourd qu'ici en Équateur. Mais si as-tu déjà visité le Pérou? Jamais. Ok, ça. Bon, malheureusement, je pourrais pas tellement ni le visiter ni en profiter parce que en 8 jours au Pérou, je prends 7 fois l'avion. Comment ça? Bah oui, parce que tu sais. Il n'y a pas de vol direct? Je fais beaucoup de vols intérieurs pour aller jouer dans des endroits. Ah, et okay. Comme c'est vraiment très montagneux, il n'y a que l'avion qui s'y rend. Donc malheureusement, j'arrive sur un lieu pour chanter, puis je repars en avion. Alors moi qui en plus, et la phobie de l'avion, ça m'enchante pas. Ah, comme Brigitte Fontaine. Mais Brigitte Fontaine ne viendra jamais au Québec à cause de ce problème-là d'avion. Elle reste en France pour ce problème de locomotion, elle ne veut jamais prendre l'avion. Ben, moi, je dois dire que... Là, t'es traqué, là. Non, là, je suis pas tranquille. Quand je vais au Québec, je prends l'avion et je déteste prendre l'avion. Maintenant, quand je vais au Québec, je prends l'avion une fois et puis après, j'y suis. Ah oui, ok, mais là, parce que tu vas en tournée, donc t'es obligé. Là, je prends 7 fois l'avion et je vais dire que oui. Oui. Je suis contente quand même. Est-ce que tu fais la première partie? Est-ce que tu fais une heure et demie de spectacle? Ou comment tu vas préparer ça? Oui, je fais une heure et demie de spectacle. Comme la tournée que tu fais en France, comme la tournée que... À la nuance près que je pars en piano-voix. Okay. En France, j'ai 3 musiciens sur scène. J'ai Dorothée Daniel, ma pianiste. Oui. J'ai Jérôme Broyer, mon guitariste, et Sébastien Bacas, mon contrebassiste. Alors que là, je pars en piano-voix avec Dorothée Daniel. Un petit peu comme quand je viens au Québec. Où généralement, je suis accompagnée par un musicien québécois qui s'appelle Steve Normandin. Oui, très connu, oui, Steve Normandin. Alors, tu greffes des musiciens assez souvent à l'endroit où tu vas. Ou si c'est typiquement québécois? C'est... Non, c'est que pour le Québec. Okay. C'est parce que j'adore Steve. Okay. J'adore travailler avec lui. Je trouve que c'est un musicien remarquable. Mmh. Et puis c'est un homme génial. C'est, mais ta dernière tournée, c'est cet automne, c'est... C'était cet été au Francofolie. Ok. À votre bon cœur, monsieur, dame, demandez le programme. C'est en forgeant qu'on devient chômard. Quand on est un cadre jetable, 55 ans sur le compteur, 55 ans, c'est pas rentable. Et comme il pue la sueur, et comme il sue la peur, on s'en passera. Demandez, monsieur, dame, demandez le programme. Monsieur, tout le monde n'est plus personne. Monsieur, tout seul et tout foutu. Puis comme le soir, il zone piétonne. Un jour, monsieur se pisse dessus. Ça se passe comme ça. Lui qui pensait être quelqu'un, mais quelque chose, ça lui va bien. C'est déjà ça. C'est déjà ça, bien sûr. Moi, j'ai envie de pleurer. Moi qui fais la morale et la grâce matinée. Circuler, y'a rien à voir. Ou alors, je veux pas le savoir. La vie est belle, ainsi soit-elle. À votre bon cœur, monsieur, dame, demandez le programme. Gamine en sol, la fille cadeau, garantie vierge à 100%. L'enfer est un vilain défaut pour une salope de 14 ans. Mais faut qu'elle se dépense. La misère, elle crevait de faim. De toute façon, c'est mieux comme ça. Dans la survie, il faut choisir ou devenir une machine à jouir. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça, bien sûr. Mais moi, je tombe de haut, de la lune, à genoux et toujours dans le panneau. Circuler, y'a rien à voir. Ou alors, je veux pas le savoir. La vie est belle, ainsi soit-elle. Y'a qu'à demander, monsieur, dame. D'un fils de pute, c'est toujours quand le plus fort gagne. Et quand l'art d'aimer, c'est de l'art brut. Y'a pas mort d'homme, juste de femme. Œil par œil, dent par dent. C'est vrai qu'il l'a dans le sang. Elle y passera. Allez, allez, monsieur, dame, c'est tout un programme. Et c'est garanti sans trucage. La bonne à rien.